Donc, on m'a demandé donc de faire une brève introduction donc au thème que j'avais choisi, donc la différence entre une critique du seul capital financier, de la spéculation et des banques, opposée à une critique plus profonde du capitalisme en tant que tel. Donc, évidemment, ça fait depuis longtemps que je travaille sur ce sujet, que je m'occupe de ce sujet, et qui, donc, évidemment, c'est une thématique assez vaste, où beaucoup de sujets sont connectés. Donc, j'avais pensé de faire, justement pour cette raison-là, une introduction plutôt bref, où donc je touche plusieurs thèmes, de manière qu'après, c'est aussi à vous de choisir qu'est-ce qu'on va approfondir, parce que c'est sûr que ce sera difficile de parler de tout en 2 heures. Et d'ailleurs, excusez-moi si je fais peut-être encore plus de fautes de langue que d'habitude. Moi, j'ai passé une semaine en Grèce, donc je ne parlais que de l'anglais. Donc, je dois tout d'un coup changer de langue. Ce n'est pas toujours évident. Et ben, donc moi-même, après mon étude sur Debord, dans les années 90, donc j'ai collaboré à la élaboration de ce qu'on est convenu appeler critique de la valeur, on pourrait aussi dire critique du fétichisme de la marchandise. Donc, un courant international de critique sociale sur la base d'une relecture de Marx, pour le dire très brièvement, qui a été faite essentiellement, disons, en Allemagne par la revue Crisis dans les années 90. Donc, l'auteur le plus connu est Robert Kurz. Donc, plusieurs livres ont été traduits en français, de même que le Manifeste contre le travail. Et un travail qui va dans la même direction, même s'il a été conduit indépendamment, a été fait par Moshe Postone, donc, qui a publié en 1993 aux États-Unis un très gros livre, Le temps, le travail et la domination sociale, qui a été publié en France il y a 2 ans aux éditions Fayard. Donc, je vous dis cela seulement pour expliquer à peu près donc d'où vient un peu ce que je vais à dire. Donc, je ne vais pas ici résumer maintenant toute la critique de la valeur, ce serait un peu difficile à faire dans 1 heure. Mais donc, le point de vue que je vais donc défendre ici est d'une certaine manière aussi opposé, je pense, probablement aux théories que vous proposez. Donc, c'est la critique de la valeur, de manière. Si on n'est pas ici pour nécessairement pour polémiquer, mais également on n'est pas ici pour dire qu'on est d'accord. Donc évidemment, je vais aussi présenter une critique qui, de certaine manière, je prétends peut-être être plus radical ou aller plus loin de la seule critique du capital financier ou de la seule critique du néolibéralisme. Donc, la critique de la valeur, donc comme j'ai dit, qui a été élaborée, je répète, de manière un peu indépendante en Allemagne et aux États-Unis d'abord, mais qui maintenant a trouvé un peu des gens qui travaillent dans la même direction aussi dans d'autres pays, comme en France, au Brésil et ailleurs. Et donc part essentiellement d'une relecture de Marx, surtout d'une partie de l'œuvre de Marx, mais qui ne se cantonne pas à la philologie, mais qui tente essentiellement aussi d'en trouver des points d'application d'une nouvelle critique sociale aujourd'hui. Donc, je vais dire dans quelques minutes, je vais tenter de résumer quelques éléments centraux de la critique de la valeur. Mais donc, aussi pour cadrer un peu la position d'aujourd'hui, donc, je vous rappelle surtout la critique de la valeur, donc, surtout souligner fortement que le capitalisme est nécessairement un système en crise, que le capitalisme n'est pas seulement un régime de propriété privée des moyens de production, comme le voulait le marxisme traditionnel, mais le capitalisme est essentiellement un système qui se base sur la marchandise, la valeur, l'argent et le fétichisme de la marchandise, que la vie sociale dans le capitalisme est organisée autour de ces catégories-là, qui cependant ne sont pas des catégories suprahistoriques qui existent partout et dans toutes les sociétés humaines, mais qui au contraire constituent l'élément qui caractérise fortement le capitalisme comme une formation historique. Et donc la particularité du capitalisme, c'est une société donc La production de biens et de services prend la forme de marchandises et que la marchandise est le résultat d'une forme très spécifique de considérer le travail, qui est le travail abstrait. Donc après, je vais revenir un peu sur ce terme. Que la quantité de travail abstrait qui est nécessaire pour créer une marchandise et ce qui fait sa valeur, et que cette valeur, qui est une catégorie assez théorique, finalement s'exprime visiblement dans une certaine quantité d'argent. Évidemment, c'est déjà Marx qui a expliqué tout cela mieux que n'importe qui d'autre, mais beaucoup d'interprètes, même d'interprètes marxiennes, ont pris cette partie de la théorie de Marx qu'elle développe surtout dans les premiers chapitres du Capital l'ont pratiquement mis à côté, parfois même très explicitement comme l'a fait le malheureux Althusser. D'autres fois, plus souvent, elles ont fait plutôt implicitement, mais on pensait toujours que la véritable critique du capitalisme commence seulement après avoir introduit ces catégories, donc l'argent, la valeur, la marchandise. Que le véritable enjeu du capitalisme est une question de distribution. Donc la question à qui parmi les agents de production touche quelle partie de la valeur. Donc c'est la fameuse question de l'exploitation, de la survaleur et du profit. Donc tout le marxisme traditionnel tourne autour de cette question-là, de la distribution des fruits de la production du capitalisme, mais presque jamais autour de la question comment cette production s'est faite. Tandis que, j'insiste, Marx, évidemment, il parle de toutes ces questions de la distribution, même une partie quantitativement majeure de son œuvre parle de cela. Mais il y a une autre partie de l'œuvre de Marx qui aujourd'hui semble être même plus actuelle que jamais et qui, d'une certaine manière, va beaucoup plus en profondeur et se demande pourquoi l'activité sociale prend cette forme de la valeur du travail abstrait, de la marchandise et de l'argent. Et donc, pourquoi l'activité humaine se présente toujours sous une double visage. Travail concret et travail abstrait. Après, je vais un peu revenir un peu sur cette question. Pour le moment, je voudrais encore dire que ce fait que chaque marchandise contient toujours un côté abstrait, un côté concret, un côté abstrait, fait donc par les deux côtés du travail, fait aussi que la marchandise est une contradiction vivante, ce qui fait que le capitalisme a dès le début un caractère dynamique et contradictoire, et que dès le début, le capitalisme est un système en crise permanente. Le fait qu'il est en crise permanente, donc il évolue toujours à travers de différentes crises, par exemple la bien connue crise de surproduction, cela ne veut pas dire que le capitalisme est éternel, qu'il va récupérer après chaque crise. Il y a aussi d'autres tendances, je vais en parler tout de suite, qui font que le capitalisme a aussi une espèce de date de péremption historique. On peut dire que la plus importante de ces contradictions internes, c'est que la valeur ne se crée qu'à travers le travail humain. Ce n'est que le travail humain qui fait la valeur, qui crée donc aussi le profit. Mais en même temps, la concurrence pousse chaque propriétaire de capital à employer le plus de technologies possibles. Donc la technologie, historiquement, depuis 200 ans, gagne une place toujours plus importante dans la production des marchandises, mais la technologie ne crée pas de la valeur en tant que telle. Ça veut dire qu'il y a une tendance historique à produire toujours plus d'objets, plus de marchandises, avec moins de valeur. Et donc cela, c'est une espèce de bombe qui réside dans le cœur même de la production capitaliste. Le système capitaliste, depuis 200 ans, d'une certaine manière, a d'un côté toujours donc scié la branche sur laquelle il était assis, de l'autre côté, il a toujours trouvé également des manières pour prolonger encore un peu sa vie, et sans seulement avec une augmentation énorme de la production, par exemple avec la production d'automobiles. Donc si chaque marchandise contient toujours moins de valeur parce que moins de travail a été nécessaire pour sa production, alors ça veut dire qu'il faut toujours produire toujours plus de marchandises pour contrecarrer cette tendance à la chute de la valeur. D'ailleurs, ce problème a été traité de manière très insuffisante dans la marxiste traditionnelle sous le nom de chute du taux de la plus-value. En vérité, le problème est plus grave et ce n'est pas seulement le taux de la plus-value, mais c'est la masse de la valeur, donc de la plus-value qui chute. Le taux de profit, en fait. Oui, donc ce n'est pas seulement le taux de profit, c'est toute la masse de la valeur qui diminue. Mais là, c'est une question un peu plus technique, peut-être on va y retourner après. Ce que je veux dire maintenant, donc la critique de la valeur, donc on insiste sur le fait que le capitalisme est un système qui court nécessairement vers quelque chose comme une crise finale. Une crise finale, ça ne veut pas nécessairement dire un jour où tout s'arrête, mais ça veut dire que le capitalisme évolue progressivement vers une capacité de fonctionner. Donc il doit mettre en œuvre des moyens toujours plus compliqués et plus sophistiqués pour réussir à survivre encore un peu plus. Et parmi ces moyens, comme on va voir, la financiarisation, donc le recours au crédit, le recours à ce que Marx appelle le capital fictif, a été dans les dernières décennies aussi le moyen principal pour encore donner une impression de vie à un système qui, en vérité, pratiquement déjà ne marchait plus s'il se serait pris au sérieux selon ses propres critères. Donc, cette affirmation donc, que le capitalisme est entré plus tard, dans les années 70, dans une phase terminale de crise, je dis une phase terminale, pas une crise, je répète, d'un jour, ce n'est pas une question, que le capitalisme est arrivé dans un stade où pratiquement il ne réussit plus à accumuler assez de capital et de valeur. Et donc cette affirmation de la critique de la valeur a été très fortement critiquée, a trouvé beaucoup d'adversaires, surtout dans les années 90 ou même encore au début des années 2000, où au contraire, il semblait que les capitalistes vivaient une autre époque de grande expansion. Maintenant, en 2008, tout semblait changer du coup. Donc, tout d'un coup, tout le monde commençait à parler de la fin du capitalisme. Vraiment, Le Monde ou d'autres grands journaux parlaient sans gêne de la fin du capitalisme, ou de sa plus grave crise depuis son existence, ou de la plus grave crise depuis 1929 ou depuis 1945, ou selon tous les goûts. Donc, tout d'un coup, donc, il y a, en 2008, c'était donc, à nouveau. Il y avait presque un consensus pour dire effectivement que le capitalisme semblait arriver presque à sa limite historique. Cependant, ce doute qui était venu presque d'un jour à l'autre à secouer l'opinion publique sur la qualité de ce système capitaliste auquel tout le monde, à gauche et à droite, voulait croire jusqu'au jour avant. Cette critique, en général, quand même, n'était pas vraiment une critique du fondement du système capitaliste. Ce que nous avons vu depuis 2008 est essentiellement une critique de la finance, une critique du néolibéralisme, donc du néolibéralisme dans sa forme extrême, auquel on oppose en général un retour au rôle de l'État, un retour à l'État social, et donc essentiellement on demande de reprendre les politiques keynésiennes, donc c'est-à-dire essentiellement de stimuler la demande à travers aussi donc des plans d'investissement public. Et après, en effet, on a vu donc depuis 2008 une suite absolument chaotique, donc jour pour jour, donc des mesures qu'un jour on recommençait avec des mesures keynésiennes de relance, le jour après on promettait encore plus d'austérité que jamais, et donc on a vraiment l'impression que ceux qui prétendent de gérer ce monde, qu'ils gèrent moins que jamais, quel que ce soit, qu'ils changent de recette tous les jours, ce qui évidemment est la meilleure démonstration que personne ne sait plus où est la sortie de cette crise. Et donc depuis 2008, il est à nouveau donc assez accepté donc de faire une critique de ce système-là, mais comme je tenterai d'expliquer, Je trouve que cette critique se limite en général à un seul aspect de la crise, donc au pouvoir des banques, et au rôle de la spéculation et donc à la possibilité donc du capital spéculatif de dicter sa conduite, par exemple, leur conduite, par exemple, au gouvernement et même les plus puissants du monde. Et donc, même à la gauche, même à l'extrême gauche, donc ce qu'on évoque alors en général, c'est une espèce de retour à la politique. Donc les États ou les collectivités doivent reprendre en main la situation, ils doivent mettre des limites à la spéculation. Mais après, selon le goût, ce conseil peut être très sage, du genre de mettre plus d'impôts sur le gros revenu, de mettre, comme veut l'association d'attaque, de mettre donc une taxe sur les transactions financières. Selon d'autres goûts, il s'agit tout de suite de mettre tout le spéculateur, de pendre tout de suite tout le spéculateur. En plus, il y a toutes les positions au milieu, donc entre. Mais tout le monde est d'accord pour la chasse aux vilains spéculateurs, et donc. Et de demander, par exemple, de réutiliser l'argent, on dit, pour d'autres buts plus utiles, plus sociaux. Donc, un slogan assez répandu, c'était peut-être il existe assez d'argent dans ce monde, il faut seulement l'utiliser différemment. Et donc, au contraire, le point de vue que moi je veux défendre ici, c'était, d'une certaine manière, presque le contraire, c'est-à-dire, bien sûr, que. On peut dire moralement la spéculation financière est inacceptable, mais finalement la spéculation, le crédit, les banques ne sont pas la cause de la crise du capitalisme, ils sont simplement un symptôme, ils sont simplement la face la plus visible d'une crise du capitalisme qui vient de beaucoup plus loin. Et il faut même dire au contraire que la financiarisation n'a pas causé le trouble actuel économique, mais elle a aidé à retarder leur éclatement. Parce qu'en vérité, le crédit a été essentiellement une simulation d'une prospérité économique qui est terminée depuis longtemps. Donc d'une certaine manière, tout ce recours au crédit arrangé, en vérité, tout le monde, le gros capital, mais également tout le monde, tous les salariés et tous ceux qui, finalement, dont la survie quotidienne, qu'ils veulent admettre ou pas, dépend aussi de la poursuite du système. C'est aussi la raison pourquoi, finalement, malgré les protestations morales, presque personne n'a vraiment voulu changer le système de la valorisation du capital qui est derrière les bulles spéculatives. Mais justement, donc, la crise que nous sommes en train de vivre, donc, je pense à peu près tous les observateurs pensent que ce n'était qu'une accalmie et qu'elle va revenir très fortement. Il est assez inutile de commencer toujours à avancer des chiffres du genre l'Allemagne au premier trimestre, une croissance de 10% dans l'industrie automobile. Ce sont des petits chiffres ici et là. Il ne faut pas être un expert en économie pour voir que dans l'ensemble, les choses continuent à aller très mal. Et surtout, même donc, cette toute petite relance économique des dernières années a été achetée par des programmes d'investissement gigantesques, comme on n'a jamais vu aux États-Unis, en Chine et ailleurs, qui ont donc contribué à créer des dettes qui jamais et plus jamais les États ne pourront rembourser. Donc, il est donc assez probable que, disons, que la critique du capitalisme aura encore une grande future pour les prochaines années. Et donc, une question que je me pose aussi, donc, finalement, quelle critique sera finalement, se diffusera dans le public, parce qu'il ne suffit pas d'être fait une critique de ce système économique, parce que c'est ça aussi une bonne critique. Il peut aussi exister des mauvaises critiques, par exemple. Comme j'ai déjà cité, il existe aussi, par exemple, une critique populiste de droite au système capitaliste. Par exemple, c'est quelque chose. Il existe aussi un anticapitalisme de droite qui a même ses racines, d'ailleurs, chez les nazis et chez le fascisme. Ou il existe des critiques également très superficielles du capitalisme qui expliquent tout le dérapage actuel simplement comme un problème moral. Donc on parle donc de l'avidité des spéculateurs. Donc on demande de mettre une limite à ce que les traders peuvent gagner. Mais on fait pratiquement une espèce de problème personnel. Donc il semble donc dans la bouche de certaines personnes qu'il suffirait de rappeler à l'ordre donc certaines personnes qui n'ont jamais assez. Il faudrait de leur imposer de se comporter un peu mieux et tout irait pour le mieux. Et donc moi, comme d'ailleurs quelqu'un d'autre, donc je voudrais, comme, sur le plan intellectuel, donner une petite contribution pour tenter de voir un peu plus d'où, quelles sont les causes profondes et longues de cette crise du capitalisme et pourquoi elle ne sera pas facile d'en sortir. Et pourquoi il faut aussi, dirais-je, se méfier de tout un chacun qui a des recettes déjà toutes prêtes à offrir au public. Et il faut aussi dire qu'une bonne partie d'aujourd'hui, que se targue d'être anticapitaliste, ou même des partis qui se targuent de ce nom, est essentiellement une critique du seul libéralisme, du seul néolibéralisme. Donc, en vérité, on y critique la forme la plus extrême de du capitalisme, donc une forme qui se base sur un partage de la plus-value entre salariés et propriétaires du capital qui soit particulièrement désavantageuse pour le salarié. Donc c'est ça le libéralisme. Mais les alternatives qu'aujourd'hui en général propose simplement reviennent vers un peu plus de justice sociale, c'est-à-dire vers un autre partage de la plus-value ou sur-valeur, comme on veut dire, parce qu'il existe les deux traductions en français, comme vous savez peut-être. Et donc, il me semble que beaucoup des analyses qu'on fait aujourd'hui donc, sont une mélange, je dis, entre une analyse essentiellement, pour le répéter, keynésienne, donc on demande un retour au rôle de l'État, donc avec cette double intention de relancer la croissance économique et d'avoir plus de justice sociale. Et donc tout cela est normalement servi donc avec une source plus ou moins forte de moralisme. Et donc il semble que le capitalisme est essentiellement l'affaire de personnes sans moralité. Donc, par exemple, le spéculateur normalement est présenté comme la figure la plus honteuse. Donc par rapport donc, à ce genre de critiques, donc, ce qu'évidemment je propose ici, c'est d'une certaine manière un retour à certaines catégories de Marx. Évidemment, pas dans le sens comme il y a peut-être 20 ans que les gens se jetaient à la figure des citations de Marx en disant « mais ici le maître a dit, mais ici, mais non, au contraire, il faut entendre cette phrase d'une autre manière ». Ce n'est pas ça. Comme je dis, je suis d'ailleurs absolument d'accord pour dire qu'une bonne partie, évidemment, de l'œuvre de Marx, effectivement, n'est plus très utile pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a une partie, donc, comme j'ai déjà dit, la critique de base, la critique de l'argent, du travail, de la marchandise, qui reste, de certaine manière, encore aujourd'hui, le meilleur guide pour comprendre ce qui nous arrive. Parce que, qu'est-ce que c'est le capitalisme? Peut-être vous disiez, un système d'exploitation et de domination. Mais il faut dire, essentiellement, presque toutes les sociétés que nous avons connues, au moins tout ce qu'on appelle les grandes civilisations, étaient également des systèmes d'exploitation et de domination. La société esclavagiste l'était également, le féodalisme l'était également. Peut-être le capitalisme, peut-être, il est à un plus haut degré, mais ce n'est pas là vraiment sa particularité ou sa singularité historique. Donc, la propriété privée des moyens de production, ça existe, je répète, également, par exemple, dans la société féodale. Ce qui vraiment caractérise le capitalisme, essentiellement, c'est un système où le côté abstrait de la production gagne sur le côté concret, et ce côté abstrait s'exprime dans l'argent, et donc où l'argent n'est plus une moyenne disons, pour la production, le véritable but de la production. Donc, je m'explique mieux. Qu'est-ce que ça veut dire le côté concret et le côté abstrait de la production? Il me faut dire deux mots sur un des concepts, peut-être je pense le moins connu de Marx, c'est le travail abstrait. Alors, le travail abstrait, ça ne veut absolument pas dire le service au travail à l'ordinateur ou le travail matériel. Ça n'a rien à voir avec ça, même si certaines aujourd'hui l'utilisent dans ce sens-là. Marx, il affirme simplement que chaque produit a toujours deux côtés. Un côté concret, qui est la valeur d'usage, et donc c'est sa matérialité, c'est l'usage qu'on peut en faire. Le côté abstrait, c'est le temps de travail qui a été nécessaire pour produire cet objet. Donc ici, ça peut être une table, ici c'est un microphone, ici il y a une bouteille. Donc ce sont des objets totalement différents du côté concret en tant que valeur d'usage. Mais ils ont une chose en commun, du travail humain a toujours été nécessaire pour le produire. Pour le produire et pour produire naturellement le composant dont il consiste. Et donc, ça veut dire, là, cette chose, ils ont en commun. Et donc, pour mesurer, pour déterminer combien de travail a été dispensé, naturellement, on ne peut que le faire que pour le temps qui était nécessaire pour produire l'objet et ce composant. Et on peut alors dire que ce table, par exemple, représente, disons, 3 heures de travail, le microphone peut-être 5 heures, et la bouteille 10 minutes, mais n'importe la quantité. Donc, de ce côté-là, donc, tous les objets ont quelque chose en commun, ça veut dire donc qu'ils, au même temps que toujours étant les objets concrets, ils sont également en même temps, ils sont également de simples quantités d'une chose qui est toujours la même chose, donc la quantité de travail. Et du travail, c'est important, qui n'est pas le travail concret, mais ce qu'on mesure, c'est simplement le temps. On ne mesure pas que c'est d'être le menuisier qui a fait la table, le vitrier qui a fait la bouteille. La bouteille, simplement, c'est 10 minutes et la table, c'est 2 heures. Donc il ne représente que les différentes quantités du même temps conçu, comme le dit Marx, en tant que dépense de muscles, nerfs et cerveaux, sans égard pour ce qu'on produit. Et après, pour échanger le produit, il faut évidemment qu'il y ait un paramètre commun à tous les objets, donc à toutes les marchandises, et ce paramètre commun dans une société capitaliste, c'est le temps de travail qui était nécessaire. C'est ce qui permet au producteur d'être entré en relation. Si je travaillais pendant 2 heures à une table, je ne vais pas le donner pour une bouteille qui n'a coûté que 10 minutes à l'autre. Je veux quelque chose pour lequel l'autre également a travaillé 2 heures. Donc, évidemment, je simplifie à l'extrême ici. Et donc, en tant que marchandise, donc tous les marchandises doivent avoir une utilité, parce que sinon personne ne va les acheter, mais en même temps, chaque objet représente aussi une certaine simple quantité de temps. Et cette quantité de temps, il est difficile d'échanger directement les unités de temps, et donc après une série de transformations, ce qu'on fait, on les échange contre de l'argent. L'argent, c'est comme le temps, c'est quelque chose qui n'a aucune qualité concrète, ce n'est qu'une question du plus ou du moins. Donc, évidemment, cela s'exprime après dans le fait que la table, peut-être, elle vaut 100 euros, et la bouteille, elle ne vaut que 2 euros. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler le côté abstrait. Donc, c'est la valeur qui est toujours égale, toujours la même. Et la valeur des marchandises dans le capitalisme ne dérive pas de leur utilité, de leur beauté, mais, je répète, du temps qui était nécessaire. Et ça veut dire, sur le marché, tous les objets, toutes les marchandises, c'est équivaut. Donc, il n'y a pas de différence. Et donc, sur le marché, on fait totalement abstraction de leur usage concret. Et dans la société capitaliste, donc l'argent devient le véritable but de la production. Donc ça veut dire que chaque opérateur il est isolé, donc il ne produit que pour réussir à vendre ses produits. Et donc si ces produits ont une utilité concrète ou s'ils sont nocifs, ce ne doit pas intéresser les producteurs. La seule question, c'est combien d'argent il peut obtenir, parce que c'est aussi la seule manière pour se procurer l'argent qui lui sert après pour satisfaire ses propres besoins. Alors, excusez si je fais cette leçon peut-être un peu lourde d'économie politique, mais c'est absolument central, je pense, aussi pour de commencer avec ces choses, même vraiment des bases, pour arriver à plus profondément à comprendre qu'est-ce que c'est le capitalisme. Et donc, dans la société capitaliste, donc finalement, donc, ce que font les producteurs, ce n'est qu'échanger les unités de temps qui prennent la forme de quantité d'argent, ce que nous voyons tous. On rentre dans la vie économique pour faire de l'argent, pas pour faire heureux les autres. Mais ce n'est pas du tout une question de morale, parce que de toute manière, personne n'a la possibilité de ne pas y participer. Vous pouvez le faire individuellement, mais après, vous devenez érémite ou clochard. Donc, probablement, la concurrence pousse tout le monde à participer à ce jeu. Et si, par exemple, un entrepreneur préfère créer, par exemple, des bombes au lieu de jouer, ce n'est pas une question qu'il soit nécessairement un salaud au plan moral, il peut aussi l'être, mais c'est effectivement c'est le fait que ces objets, en tant que marchandises, sont absolument égales. Donc en tant que valeur, il n'y a pas de différence entre une bombe et entre un jouet. Mais tout cela, donc, ce n'est pas quelque chose que les hommes ont décidé un jour consciemment. C'est un système qui s'est créé derrière leur dos et qui oblige chacun à exécuter ses lois et se réaliser qu'à travers cet échange de marchandises. Et c'est ce que Marx a appelé le fétichisme de la marchandise. C'est un autre terme qui est fréquemment sujet à des malentendus. On pense souvent que le fétichisme de la marchandise, c'est une espèce d'adoration exagérée, par exemple, par une Ferrari ou par une veste Armani. Ou on pense que le fétichisme de la marchandise, c'est une espèce de mystification, une espèce de veille qu'on met pour cacher la véritable nature de l'exploitation capitaliste. Non, en vérité, le terme de fétichisme de la marchandise, on dit quelque chose d'autre chez Marx, il veut dire que nous sommes prisonniers de ces systèmes, nous courons derrière les marchandises que nous-mêmes produisons, et nous servons les marchandises comme si c'était des dieux, donc nous dépendons, tandis en vérité c'est tout le contraire. Donc ils prennent vraiment le fétichisme au sens religieux, comme le sauvage, entre guillemets, évidemment, dans la religion, il adore un petit idole en bois parce qu'il pense que lui, il dépend de ses idoles, tandis qu'en vérité, c'est lui, l'homme, qui a créé ses idoles. De même, nous sommes également des sauvages face à notre système de marchandises. Et nous disons tout le temps, par exemple, les marchés n'ont pas voulu, ou il y a des impératifs technologiques qui ne permettent pas. Mais en vérité, tout ce système, c'est qui l'a créé, ce sont les hommes qui l'ont créé, et après, nous nous comportons comme si nous devions tout le temps tenter à suivre des lois qui nous dépassent totalement. Donc, dans cette perspective, il est important de comprendre que, bien sûr, il y a des puissants dans le capitalisme, il y a des exploitateurs, mais ce ne sont pas eux finalement qui vraiment gouvernent ce système. Ce sont simplement ceux qui ont réussi à prendre les meilleurs postes dans un système qui les dépasse également, dont ils dépendent également. Le même Marx aussi, il parlait des officiers, sous-officiers du capital. Donc, le capitalisme, donc c'est surtout Moïse Postone dans son livre, je crois que tu l'as lu, donc le tome de travail domination sociale, non? Oui, surtout toi, Olivier. Oui. Donc, il insiste beaucoup sur ce fait, le capitalisme essentiellement donc, n'est pas une domination de certains hommes sur d'autres, mais essentiellement une domination, ça veut dire que la société tout entière est dominée par ses propres structures anonymes, impersonnelles qu'elle a créées, mais qui quand même sont, je répète, un produit de l'évolution humaine. Donc ce n'est pas, par exemple, ça n'a rien à voir avec le structuralisme. Pour le structuralisme, cette domination des structures impersonnelles est quelque chose qui existe toujours et partout, qui fait partie de l'ordre de l'existant. Tandis que cette lecture du fétichisme de la marchandise reste une critique sociale. Donc le fait que nous sommes toujours dominés, par exemple, par la marchandise, par l'argent, etc., est comme un fait historique qui est venu au monde peu à peu dans les derniers siècles et qui peut, en théorie, peut également être dépassé un jour. Donc nous pouvons également tenter d'établir une société plus consciente. C'est peut-être pas d'un jour à l'autre, mais on peut y arriver. On peut aussi démontrer que d'autres sociétés précédant le capitalisme avaient d'autres logiques, par exemple des changes sociales, par exemple, surtout avec le don. Il y a aussi actuellement d'autres chercheurs, par exemple, qui travaillent beaucoup sur cette, par exemple, sur les chaînes du don, donc en suivant les traces de Marcel Mauss. Donc pour me limiter donc à quelques aspects, donc ce que je dis ici, donc cette critique de l'argent, de la marchandise, de la valeur, donc même si chez Marx lui-même, cette critique peut sembler avoir un caractère assez abstrait, finalement ce n'est pas simplement une question philosophique, c'est pas quelque chose qui se passe dans les nuages, mais ça reste aussi une arme puissante pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. D'abord, je donne peut-être un exemple, aussi pour, en parlant du travail abstrait et travail concret. Prenons par exemple un pays dans le sud du monde, ce que nous appelons des pays pauvres, mais qui avait souvent encore jusqu'à il y a quelques décennies, voire quelques années, des agricultures qui marchaient plus ou moins, donc où les gens pouvaient au moins subvenir à leurs propres besoins. Et on ouvre les frontières et normalement, donc on les oblige à importer énormément, donc par exemple, de blé, de nourriture par ailleurs, et donc finalement cela porte à la ruine totale des paysans. C'est évidemment quelque chose de bien connu. On peut aussi naturellement parler ici, évidemment, de stratégie des multinationales, de l'impérialisme, etc. Mais il faut aussi dire que c'est également là aussi le côté abstrait de la production, finalement, a tué le côté concret. Parce que la production de subsistance, elle disparaît nécessairement. Si vous ouvrez les frontières dans un pays africain ou à l'exportation, la production en tant que telle, en tant que volume usage, pourrait continuer. La terre est toujours là, donc les techniques sont toujours là. Et donc, un kilo de blé, même après, reste toujours un kilo de blé comme avant, côté concret. Le problème, c'est du côté de la valeur. Tout cela n'a plus aucune valeur économique. Les paysans ne peuvent plus le vendre parce qu'au moment où ce qu'il produit, en disons peut-être dans un mois de travail, peut être produit ailleurs dans un jour de travail, ça veut dire un nouveau niveau de productivité est établi. Donc si maintenant est partout dans mon exemple arbitraire, un jour, donc ça veut dire ce que pour lequel le paysan il a travaillé un mois, la valeur n'est qu'un jour, la valeur abstraite. C'est comme dans tous les mois, il n'avait travaillé qu'un jour, et il va le voir concrètement, il l'amène au marché. Il va obtenir le prix que maintenant on paye pour le blé importé et qui est fait donc sur ce niveau de productivité-là. Et donc ça veut dire, dans mon exemple arbitraire, on va lui offrir une centième du prix d'avant. Et ça veut dire que tandis que le blé est resté le même, côté valeur, donc le même blé est à l'improviste, il n'a pratiquement plus aucune valeur. Et c'est un exemple très concret et même très, presque, je dirais, presque sanglant de ce que Marx appelle la double nature de la marchandise, que cette même marchandise donc, a un côté concret, un côté abstrait, et dans le capitalisme, donc, le côté abstrait est fatalement appelé à vaincre, à gagner sur le côté concret. Parce que ce qu'on voit banalement dans la vie de tous les jours, le fait que finalement tout évidemment, est fait pour l'argent, donc ce qui ne ramène pas de l'argent est aboli, est abandonné. Et on fait mille choses inutiles ou nocives ou ridicules simplement parce qu'il amène de l'argent. Mais je répète, ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question d'avidité, c'est effectivement le fait que ce qui produit le plus de valeur doit évidemment avoir la précédence sur ce qui ne produit pas assez de valeur et donc de plus de valeur. Ce n'est pas une donnée éternelle et transhistorique, mais autant que nous restons dans ce système fétichiste de la marchandise, ce sera difficile de le changer. peut-être on peut sortir du fétichisme de la marchandise, mais on pourra difficilement changer ces données jusqu'à ce que nous acceptons de rester dans un cadre où, par exemple, la marchandise a cette double nature, où, donc, où il existe l'argent et où l'argent est la finalité de la production. Là aussi, si vous avez encore quelques minutes de patience, je vais très brièvement vous expliquer, en plus, donner un exemple pourquoi je dis que l'argent devient la finalité de la production. Alors, toujours notre Marx, donc, il dit que dans des sociétés précapitalistes, qui pouvaient également être des très mauvaises sociétés, il ne s'agit pas maintenant de faire leur éloge, mais en général, on échangeait une marchandise contre l'argent, contre une autre marchandise. Et donc, pour donner un exemple, si je suis un paysan et j'ai des pommes de terre, et je n'ai plus de ceux qui me servent, et donc je les vends, et avec l'argent, j'achète quelque chose d'autre. Donc, je n'avais pas besoin, par exemple, des chaussures. Et donc, finalement, donc, l'argent, dans ces cas-là, donc, a été un intermédiaire pour échanger une chose dont je n'avais plus besoin, donc les pommes de terre en excès, contre une autre chose dont j'avais besoin, mais que je n'avais pas les chaussures. Et donc, de même pour l'autre personne à l'autre bout de la chaîne, même chose. Et donc, finalement, tout le monde peut être content. Finalement, j'ai échangé une chose concrète contre une autre, et donc le but de toute cette opération, c'était de satisfaire un besoin, mon besoin de chaussures et l'autre, le besoin de pommes de terre. Dans une société capitaliste, on fait le contraire. Lorsqu'il y a des gens qui ont accumulé assez d'argent, ils commencent à investir l'argent, et donc on arrive à une chaîne qui est argent, marchandise, argent. Et ça veut dire, avec l'argent, on achète quelque chose et on le revend après à un prix plus élevé, dans le cas du commerçant. Le commerçant n'achète jamais pour revendre au même prix, donc il veut avoir une surprise. Ou le capitaliste industriel, il achète la force de travail pour faire travailler l'ouvrier et revendre ensuite son produit avec un profit. Et donc ça veut dire que dans ces cas-là, on va de l'argent à l'argent. Donc, on ne sert plus un besoin concret, mais on investit de l'argent pour en retirer une somme plus grande. Et c'est là la très grande différence. Dans ces cas-là, si on investit 100 euros pour retirer à la fin du processus 100 euros, ça veut dire que tout cela n'a pas eu de sens. On y investit 100 euros que pour en avoir au moins 110 à la fin. Donc, dans ces cas-là, donc argent, marchandise, argent, comme l'explique Marx, en réalité, n'existe que dans la formule argent, marchandise, davantage d'argent. Donc, dans ce processus-là, l'élément concret, la marchandise, donc, n'est devenu qu'une espèce de prétexte, un intermédiaire pour transformer de l'argent dans une plus grande quantité d'argent. Donc, tout cela, donc, le véritable sens de cette opération est de transformer 100 euros en 110 euros. Et parce que c'est nécessaire, il faut produire quelque chose, utile ou pas utile qu'il soit, parce que c'est presque une espèce de dommage collatéral, la production de marchandises. En vérité, si on pouvait s'en passer, ce serait encore mieux, si on pouvait transformer directement en 100 euros, en 110 euros. Et c'est là, d'ailleurs, exactement la source du capital financier. Dans le capital financier, dans la spéculation, certaines manières, on tente de sauter ce fastidieux passage pour la marchandise, pour les objets concrets, de manière que l'enfant fasse directement, que l'argent fasse directement des enfants ou des petits, comme dit Marx, pour faire plus d'argent. Là, ce n'est que le cas extrême. Toute la production capitaliste est donc une production d'argent et de toujours plus d'argent. D'ailleurs, entre parenthèses, je n'insiste pas trop, parce que ce n'est peut-être pas le thème de la soirée, on trouve ici aussi une cause, peut-être la principale, de la crise écologique, et pourquoi le capitalisme est nécessairement une société de croissance, et pourquoi on ne peut pas avoir un capitalisme écologique, un capitalisme sans croissance, parce que, tandis que dans les premiers exemples, pommes de terre contre chaussures, on n'a pas de croissance, on ne peut dire pas nécessairement. L'important, c'est seulement qu'à la fin du processus, tous les besoins ont été satisfaits. Tandis que je dis, dans le deuxième exemple, argent contre argent, ce processus n'a pas de sens, il n'a pas une croissance. Donc il faut faire plus. Et les 110 euros, après, il faut le réinvestir et en faire au moins 120. Alors le capitalisme est toujours une production d'argent et toujours une production de toujours plus d'argent. Et donc il y a une croissance nécessaire. Et autant de, et, étant donné qu'on ne peut pas faire vraiment à moins de passer par la marchandise, ça veut aussi dire pourquoi dans le capitalisme il faut toujours produire toujours plus de marchandises et donc aussi consommer toujours plus de ressources, pourquoi le capitalisme est nécessairement une mise à sac du monde où, donc, où il faut faire toujours plus, simplement pour avoir, parce qu'autrement on ne peut jamais multiplier la mise en argent initiale. Alors, donc ça veut aussi dire que le capitalisme est nécessairement un système dynamique. C'est aussi sa grande différence avec les sociétés précédentes. Les sociétés précédentes pouvaient avoir 1000 défauts, mais elles étaient essentiellement statiques. Donc, il ne pesait pas trop aussi sur la nature. Le capitalisme doit, comme nous avons déjà vu, nécessairement toujours aller vers l'avant. Et, d'une certaine manière, il doit grandir sans se demander comment et pourquoi. Il doit donc... Il pousse donc dès le début vers une crise écologique qui aujourd'hui, c'est-à-dire, est devenue, donc nous sommes devenus conscients à peu près à partir des années 70. Mais il y a un autre problème, non, vous ne pensez pas? Je pense que c'est pas si loin que ça, la crise de la conscience. Oui, elle est venue à peu près, donc oui, mais il y a effectivement une date assez symbolique, c'est-à-dire en 71, au même moment, le Club of Rome a produit son premier rapport sur les limites de la croissance, qui quand même a eu un très fort effet en ce moment-là. Donc, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a accepté tout de suite cette idée, mais c'était la première fois que l'écologie est sortie de sa niche pour devenir un sujet plus courant. Et dans la même année, les Américains ont aboli le standard en or des dollars, qui en vérité, comme je vais aussi expliquer, était pratiquement à sonner le glas du capitalisme. Donc à partir de ce moment-là, qu'il n'y a plus un standard d'or, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement plus de garde-fous, pratiquement que l'argent se multiplie tout seul, sans une véritable croissance des valeurs. Et à partir de ce moment-là, donc, nous sommes en vérité dans une simulation des vies économiques. Donc ces deux crises économiques et écologiques, même si évidemment leurs causes sont beaucoup plus longues, sont éclatées à peu près presque dans la même année. Alors pourquoi, donc je dis, donc il y a une crise de la valorisation. Et donc ici, donc là, j'ai déjà parlé de sa cause principale, c'est-à-dire donc la valeur est définie par le temps de travail qui est nécessaire. Donc ça veut dire si je travaille une heure, la valeur est d'une heure, et donc il y a une certaine quantité d'argent qui lui correspond. Et si je travaille 10 minutes, la valeur est beaucoup plus petite, et ça veut aussi dire que celui qui exploite la force de travail, il gagne aussi moins si quelqu'un ne travaille que 10 minutes. Donc plus on travaille d'un côté, donc plus valeur on crée dans le capitalisme, donc plus de survaleur on crée pour l'employeur. Parce qu'en vérité, la valeur est d'ailleurs une catégorie assez théorique, en vérité on ne peut pas la voir. Ce qu'on voit concrètement, ce que voit le capitaliste sur la survaleur, en vérité le profit, c'est ce qui l'intéresse. Tout le reste, donc les discussions sur la valeur, il les laisse volontairement aux marxistes. Mais il y a donc une tendance qui opère dans le sens contraire. Si je donne le capitaliste donne à ses ouvriers des machines, ils peuvent produire beaucoup plus avec les machines, et donc le capitaliste peut vendre à un prix beaucoup plus bas et donc battre la concurrence. Ce fait pousse inévitablement à l'usage des machines, parce que le capitalisme, évidemment, est pratiquement identique à la société industrielle. Les deux choses sont pratiquement, ne peuvent pas être distinguées. Le capitalisme, après une longue phase embryonnaire, a pris son vol avec la révolution industrielle en Angleterre. Et donc, il y a donc une tendance qui pousse en particulier à mettre à l'œuvre toute nouvelle toute machine, toute nouvelle technologie qui aide donc à qui aide l'ouvrier à produire plus dans le même temps. Parce que donc il y a la concurrence qui donc d'une certaine manière qui évidemment qui avantage les capitalistes qui investissent dans les technologies. Ici, il y a cependant un grand problème que le propriétaire de capital particulier, il fait donc un extra profit dans un premier moment. Mais les autres capitalistes, ils ne restent pas à garder, ils investissent dans la même machine et donc le niveau de productivité augmente à nouveau et donc le jeu recommence. Ce qui fait qu'il y a donc, on utilise toujours plus de technologies et moins de travail vivant. Et ça veut aussi dire donc on produit finalement, donc chaque marchandise contient moins de valeur et donc aussi moins de sur-valeur. Et là, vous comprenez peut-être déjà qu'il y a une logique qui, certainement, que ces deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Donc le même emploi de la technologie, en vérité, finit pratiquement, on peut détruire la logique de la valeur, ou on peut dire... Chaque capitaliste, en utilisant des technologies, donc il gagne pour soi-même quelque chose aux dépenses de ses concurrents, mais il contribue à scier la branche sur laquelle le système entier est assis. Naturellement, vous demandez, alors, si ce fait est opérationnel dès le début, pourquoi le capitalisme ne s'est déjà écroulé depuis très longtemps? Ici, la réponse principale, c'est grâce à une augmentation énorme de la production. Si une chemise artisanale, il fallait une heure à l'artisan pour le faire, et avec une métier à tisser, il ne faut que 10 minutes, alors ça veut dire que chaque chemise ne contient qu'une sixième de son ancienne valeur. Mais si on produit 7 chemises au lieu d'une chemise en le même temps, finalement, donc on a produit même plus de valeur qu'avant. Parce que maintenant, il faut 7 chemises pour avoir une quantité de valeur un peu plus grande qu'une chemise au début. Et ben, on l'a vu depuis, le capitalisme a été ce fait-là, donc d'augmenter de manière gigantesque la production, de chercher toujours de nouveaux marchés, de toujours réussir à vendre d'autres produits et de procéder à une double colonisation du monde, colonisation géographique, donc de vendre la pacotille donc, au dernier coin du monde, et une colonisation intérieure, donc de transformer toujours d'autres activités en marchandises que ne l'étaient pas avant, que ce soit par exemple la marmelade nos grands-mères faisaient à la maison qu'aujourd'hui on achète, ou que ce soit par exemple les soins des enfants qui on porte dans une crèche. Donc tout cela, ce sont toujours la découverte de nouvelles sphères de valorisation. Mais là aussi, ce n'est pas tellement l'avidité individuelle qui pousse à cette ouverture des nouveaux champs de valorisation, ou c'est peut-être cette avidité ce qui pousse l'opérateur particulier, mais le système dans son ensemble a nécessité simplement pour contrecarrer la chute de la valeur globale qui autrement serait inévitable. Donc évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent encore contribuer à éviter cette chute de la masse de la valeur, mais maintenant, si je m'en passe, pour dire qu'on peut dire que ce mécanisme de compensation, donc de compenser la moindre quantité de la valeur contenue dans chaque marchandise particulière avec une augmentation de la masse des marchandises, ce mécanisme de compensation, on peut dire qu'il s'est essentiellement rompu vers les années 70. Avec la révolution micro-informatique, on a eu finalement un tel emploi de technologies qui ont rationalisé, comme on dit, du travail humain à une telle vitesse qu'il était absolument plus possible de le remplacer avec d'autres produits qui utilisent assez de travail. Aussi, peut-être là, on va en parler si vous voulez plus tard, ce ne sont pas tous les travaux dans le capitalisme qui créent de la valeur. Il y a beaucoup de travaux qui sont non productifs, dans le sens qu'ils ne reproduisent pas le capital. Par exemple, la plupart des services, presque tout ce qui fait l'État, les armements et tout cela, ce sont des activités qui sont non productives au sens capitaliste, parce qu'ils ne font que consommer du capital, ils ne le reproduisent pas. Donc en vérité, le capital véritablement productif n'est qu'une partie du capital global. Les travaux productifs ne sont qu'une partie des travaux globaux. Et en vérité, ce sont ces travaux-là, ces capitaux-là, qui doivent, par exemple, à travers les impôts, indirectement financer toutes les autres activités. Et là aussi, il y a comme une espèce de ciseau qui s'ouvre toujours davantage, qui fait que la valorisation du capital devient toujours plus difficile. Par exemple, historiquement, il y a eu une tendance perpétuelle, jamais interrompue, à l'augmentation des dépenses d'État. Donc l'État pèse toujours plus lourdement dans l'économie. D'ailleurs, même malgré leurs promesses, même dans toute l'époque néolibérale, les dépenses d'État ont toujours été augmentées, même par exemple dans les États-Unis de Reagan. Mais toutes les dépenses d'État, comme tout ce qui est pour les infrastructures, finalement, ne sert pratiquement à une espèce de faux frais, comme les appelle Marx avec un terme français, aux dépenses de la véritable valorisation de capital. Même s'il est relativement difficile de démontrer cela toujours sur le plan concret ou statistique, on peut dire que l'accumulation du capital a commencé à entrer dans une grave crise vers les années 70. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle s'était complètement arrêtée. Mais elle est devenue toujours plus minoritaire. Elle devait alimenter une partie toujours plus grande non productive de la machine sociale. Alors, cela donc aurait logiquement dû porter simplement à un arrêt de la production capitaliste. Ce n'est pas pour manque de rentabilité. Donc on pourrait quand même voir cette manque de rentabilité aussi, et quand même aussi sur le plan empirique. Par exemple, aujourd'hui, dans les pays plus développés, donc il faut par exemple investir énormément pour faire un travail productif, tandis qu'au début de la révolution industrielle, il suffisait par exemple à donner, disons, une machine à coudre à un ouvrier pour produire, donc un petit investissement technologique était nécessaire. Aujourd'hui, je pense celui de statistiques, disons que ça coûte déjà 100 000 euros pratiquement de créer une poste de travail, simplement en technologie nécessaire, au moins si on considère aussi la technologie qui sert les technologies nécessaires, etc. Donc il y a un énorme investissement qui sont nécessaires dans les infrastructures, dans les technologies, encore avant de pouvoir mettre un ouvrier au travail. Probablement, vous dites tout de suite qu'il y a un déplacement du travail en Chine, en Inde, etc. Si je vous dis très brièvement que la valeur du travail ne dépend pas de ce que fait le travailleur individuel, mais aussi du niveau de productivité. Et donc, 100 travailleurs qui travaillent avec une machine à coudre, un marteau en Inde, peuvent produire pratiquement moins de valeur qu'un travailleur qui utilise des machines très sophistiquées en Europe. Donc le fait qu'il y a une exploitation scandaleuse dans ces pays-là, en vérité, ne veut pas dire qu'il y a de très grandes gains, finalement, pour le système capitaliste. Donc, alors, pourquoi le système ne s'est pas écroulé? Parce qu'on a eu un développement spectaculaire de quelque chose qui existait d'ailleurs depuis le début, c'est-à-dire le crédit. Donc, il n'existe aucune statistique fiable, mais on peut penser... On peut dire qu'encore vers 1970, pour un dollar réel dans le sens qu'il est effectivement le fruit d'un investissement réussi dans la production, il y avait peut-être un autre dollar dans la sphère financière, donc un crédit tiré sur ces dollars réels. Aujourd'hui, je ne sais peut-être vous en savez davantage, mais selon certaines statistiques, il y a au moins 10, ou peut-être même beaucoup plus, donc... Pour dire l'autrement, donc la sphère, toute la sphère financière, donc tout ce qui est crédit, a grandi à un rythme infiniment plus rapide que la production réelle. Et donc ça veut dire une grande partie de l'argent qui circule aujourd'hui dans le monde est de l'argent en vérité fictif. Ça veut dire fictif, c'est-à-dire qu'il n'est pas couvert pour aucune activité économique réelle. Ce sont des crédits qui pratiquement n'existent que sur la base pratiquement de espoir d'une gain futur. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est un crédit? Un crédit, ça veut dire On consomme déjà un profit futur, parce qu'en théorie, le crédit est accordé à quelqu'un qui réalise un profit et après, donc, il rembourse le crédit. Donc, ça veut dire en vérité, son profit, il est déjà utilisé en avant, ou pour investir, ou simplement pour sa propre consommation. Donc, mais historiquement, donc, évidemment, le crédit est devenu, comme vous savez, quelque chose donc, qui a tendance à ne plus être remboursé, mais simplement à être la base de crédits toujours plus grandes. Mais cela indique évidemment que le système n'est plus du tout capable de se autofinancer. Par exemple, aucune entreprise n'est plus se autofinancer dans le sens de réutiliser, par exemple, ses outils pour un nouvel investissement. Les États ne sont pas du tout capables de garantir ni les infrastructures, ni l'État social, simplement avec les impôts. Donc, ils recourent au crédit. Et donc, ben, il est inutile d'expliquer, parce que tout le monde le sait, donc, quel développement gigantesque a pris le crédit dans les dernières décennies. Et pratiquement, il n'y a plus, je pense, chaque citoyen en Europe est déjà endetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, et à travers l'État, et en plus, très souvent aussi, donc, de manière privée. Et donc, d'une certaine manière, donc, toute la machine ne marche qu'à travers le crédit. Donc, si aujourd'hui, donc, il y a une polémique, disons, on a donné trop de crédits, il faut retourner à un capitalisme sain, et donc, il faut donc que les entreprises recommencent à faire de l'économie sérieuse. En vérité, ces critiques ne savent pas de quoi elles parlent. Donc, si on n'avait par exemple pas donné tous ces crédits-là, donc tout le système se serait simplement écroulé. Peut-être que ça aurait été bien dans une vue anticapitaliste, mais on ne peut pas dire qu'on aurait pu avoir un capitalisme qui marchait sur d'autres bases. Donc, on a eu évidemment une croissance énorme de dettes. Donc, d'abord, c'était les plus faibles qui sont endettés. Par exemple, on parlait de dettes, du fameux dette du tiers-monde. Et donc, ce semblait encore une manière pour les pays riches de se enrichir aux frais des pauvres. Mais également aujourd'hui, donc, normalement, les États les plus riches sont aussi les plus endettés en absolu. Et toute cette montagne de dettes, en vérité, ça veut aussi dire que l'argent ne vaut plus rien. Parce que s'il y a, pour faire vraiment un chiffre un peu arbitraire, 10 euros de crédit pour 1 euro réel, ça veut dire que si on tentait, par exemple, de remettre tout cet argent qui est parqué dans les bourses et dans l'immobilier, si on tentait de le remettre dans le circuit réel, vous pouvez bien imaginer qu'est-ce qu'on aurait. On aurait évidemment une hyperinflation parce que tout évidemment, l'argent qui ne correspond pas à une véritable activité économique, c'est simplement du papier coloré. Et donc, ça veut dire, aujourd'hui, donc, le développement possible de la crise, ce serait évidemment aussi un énorme retour de l'inflation. Par exemple, si tous ces argents fictifs recommençaient vraiment à rentrer dans la production réelle. Mais ça veut aussi dire que depuis des décennies, les États et les entreprises ne marchent que grâce au crédit et grâce à la spéculation. Et donc, ceux qui pensent que la spéculation a détruit notre belle économie devraient savoir qu'en fait, c'est tout le contraire. La financiarisation dans toutes ces folies a été comme une espèce de béquille qui ont aidé, en vérité, une moribonde, une malade terminale à marcher encore un peu plus, avec des doses toujours plus fortes en plus. Ben, vous savez, dans les années 90, ce qu'on appelle la crise tequila, de combien de dollars il était question, 70 milliards, je crois, pour financer le Mexique. On disait que le système financier mondial était au bord de l'abîme. Et aujourd'hui, donc, on raisonne normalement avec des chiffres 10 fois plus grands. Donc, on est là, évidemment, dans une situation d'un irréalisme total. Mais il ne serait absolument pas possible de dire, alors on va couper tout ce monde de la... des finances et on va faire une dévalorisation gigantesque, parce qu'il y a beaucoup des économistes qui proposent cela, pratiquement de faire une dévalorisation totale des monnaies, et après on recommence avec une économie plus saine, parce que dans ces cas-là, on découvrait que cette économie, en vérité, ne marchait déjà plus du tout dans le sens capitaliste, qu'il n'y avait pratiquement plus d'accumulation de capital du tout. Ce qui, je dis, pouvait être une chance pour une sortie de la crise, parce que si on parle toujours aujourd'hui de crise, il faut dire crise de quoi? Il n'y a pas une crise de la production de biens, au contraire, on produit bien trop de choses, ce serait mieux de produire un peu moins. En vérité, les shops sont toujours là, les usines sont là, donc les capacités des artisans sont là. En vérité, l'humanité n'est pas dans une crise, dans ses capacités matérielles de satisfaire ses besoins. Ce qui est en crise, en vérité, que tout cela ne peut plus être représenté dans une quantité suffisamment grande de valeurs et donc d'argent, pourquoi ça vaut la peine en termes capitalistes. Même aujourd'hui, avec 6 milliards de personnes, c'est vrai que c'est beaucoup, mais ils sont quand même, la Terre serait encore suffisante pour nourrir 6 milliards d'hommes. Le problème n'est pas là. Si on mettait vraiment toutes les surfaces cultivables, si on les utilisait, le problème, que l'agriculture, en termes d'argent, donc en termes de capital, vaut extrêmement peu, et donc elle ne vaut plus la peine. Par exemple, on la remplace avec des biocarburants, on l'abandonne complètement, ou on se reconvertit à la drogue. En plus, la drogue, c'est évidemment, c'est la chose où on crée la plus de valeur avec sur la base la plus petite. Voilà pourquoi le trafic de la drogue est devenu est probablement la plus grande économie du monde aujourd'hui. Il est quelle heure? Peut-être il faut que je termine un peu. Vous pouvez commencer, peux commencer à terminer un petit peu. Oui, mais donc je suis donc... Et donc quart, en fait. Oui, de ce côté-là, on pourrait donc dire la crise réelle, donc, pratiquement ne fait que commencer. Et nous sommes aussi là dans une situation historiquement nouvelle. Et donc, très longtemps, les révolutionnaires ou même les réformistes, les critiques du système, se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Le système est tellement fort, comment on peut faire, peut-on faire, par exemple, faire une révolution? Mais il semblait sûr que s'il y avait un jour la fin du capitalisme, automatiquement, après, on aurait eu quelque chose de meilleur, le socialisme. Donc le capitalisme, dans une vision classique, devait terminer justement parce qu'il y a des masses qui veulent introduire le socialisme ou le communisme. Aujourd'hui, en vérité, la situation s'est renversée. Le capitalisme, il travaille pour sa propre abolition mieux que tous les révolutionnaires réunis ont pu faire. Pratiquement, il a tout fait. Pratiquement, il, à certaines manières, il continue à dévaster le monde. Et donc, pour encore trouver quelque chose qui anime sa valorisation, évidemment, il n'a plus une perspective parce qu'il ne peut pas intervenir sur la cause profonde de sa crise. Mais cette crise, qui aujourd'hui est en même temps une crise économique, écologique et énergétique, cette crise, au moins, n'est plus du tout la garantie que quelque chose de meilleur vienne après. Donc la crise n'est plus du tout synonyme ni de révolution, ni d'émancipation. Le pire est aussi possible. Et on le voit souvent dans les régions qui se sont déjà plus ou moins écroulées. Il y a toujours des gens qui tentent peut-être de faire une coopérative ou l'agriculture ou quelque chose d'autre, mais vous trouvez aussi beaucoup d'autres qui préfèrent alors prendre une mitrailleuse et voler ce qui reste ou qui se donnent au trafic de la drogue ou à d'autres choses de ce genre. Donc la réaction positive n'est absolument, donc à la crise n'est absolument pas automatique, elle est même devenue toujours moins probable. Parce que malheureusement, dans sa marche triomphale, le capitalisme a détruit presque partout aussi toutes les structures sociales qui auraient encore pu donner une base pour construire quelque chose de nouveau. Là où ça existe, par exemple, peut-être dans certains, par exemple chez les Indiens d'Amérique latine, il y a aussi des possibilités meilleures, par exemple de faire quelque chose comme la propriété collective de la terre. Mais dans beaucoup d'autres régions du monde, une fois que le capitalisme ne marche plus, on voit qu'il a quand même détruit les formes plus archaïques des villes. Donc, il laisse des terres brûlées où les gens se disputent pratiquement les dépouilles. Il me semble que c'était un peu le véritable fondement de la guerre en Yougoslavie, beaucoup plus que des prétendus éternels conflits ethniques. Et donc, et pour ça, effectivement, avec ça, je peux un peu conclure. Il est presque inévitable qu'avec des chocs encore plus forts, il y aura une grogne énorme qui monte. Mais d'ailleurs, je vous ai dit, je reviens de Grèce. La Grèce est déjà beaucoup plus avancée que nous. Donc, il y a une crise totale. Donc, l'État, pratiquement depuis une heure, donc il est, chaque jour, on se demande s'il va déclarer faillite. Il a déjà coupé le 30% de salaire, par exemple, des fonctionnaires d'État. Donc énormément des activités économiques ont cessé. Donc, et il y a déjà là donc une tension énorme qui monte. Donc il y a une augmentation du racisme, du bande des fascistes. Donc il y a eu plusieurs assassinats seulement dans les derniers jours des immigrés. Et il y a des gens qui en Grèce qui parlent du risque, sont plus du risque d'une guerre civile. Et donc évidemment, et la Grèce est encore quand même, même avec tout cela, fait encore partie des pays disons développés. Donc évidemment ailleurs ça se passe encore beaucoup pire. La question est donc, comme c'était d'ailleurs même le cas en 1929-33, comment va-t-on réagir à cette crise qui est inévitable? Va-t-on tenter de saisir même cette chance historique de sortir du capitalisme, de tenter d'autres formes de coopération où, par exemple, on organise collectivement une production autour de la satisfaction des besoins plutôt que pour faire de l'argent? Et là, ce serait évidemment la chose la meilleure, dans mon point de vue. Mais je vois aussi un grand risque d'une montée de différents populismes, ou d'ailleurs des populismes de gauche et de droite ont toujours plus de tendance à se mélanger, qui, par exemple, donnent toute la faute simplement à la spéculation et aux banquiers. Et donc, évidemment, vous voyez aussi souvent un retour aussi de stéréotypes antisémites, du genre, il y a les banquiers juifs qui affament le bon peuple, les travailleurs honnêtes. Mais si on va les chasser ou les pendre tous ensemble, après, donc, l'épargnant floué et les travailleurs honnêtes bafoués, donc on va le remettre dans leurs droits. Sans comprendre qu'en vérité, l'existence de la spéculation dépend quand même finalement de tous ces honnêtes travaux qu'on a fait avant. Parce que même le honnête travailleur, c'est quand même quelqu'un qui, évidemment parce qu'il n'a pas de choix, qui quand même anime tout ce système du travail abstrait. Donc même le travailleur classique, évidemment, il est obligé à pas à produire des choses, des valeurs d'usage, mais à produire de la valeur. Donc évidemment, individuellement, il n'a pas le choix, mais il n'a rien à défendre dans ce concept de travail. Le travail n'est pas le pôle positif opposé au mauvais capital. Le capital n'est autre que du travail accumulé, et le travail n'est autre que du capital à l'état fluide. Oui, donc je pourrais encore continuer très longtemps, donc j'ai déjà passé largement. Merci, Anselme, pour cette utilisons le temps pour les débats. Voilà, oui. Pour qu'on puisse un petit peu échanger là-dessus. Merci pour cet exposé stimulant.